vu ma chérie, tu m'as regardé dans les yeux et tu as pris ma main et tu m'as embrassé. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. Je t'ai vu pour la deuxième fois sur une vue où on voit tout Marseille, avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo, avec ton sourire espiègle. À ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé à battre à nouveau. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. J'ai essayé de te parler, mais je ne savais pas quoi dire. J'ai dû paraître fou, j'ai dû paraître étrange, mais tu n'as pas ri. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as pris ma main et tu m'as embrassé. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. Ma main et tu m'as embrassé. Toi et moi, j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi.